Josué chapitre 5. Or il arriva qu'aussitôt que tous les rois des Amoréens, qui étaient au-deçà du Jourdain vers l'Occident, et tous les rois des Cananéens qui étaient près de la mer, apprirent que l'Éternel avait fait tarir les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'ils fussent passés, leur cœur se fondit, et il n'y eut plus de courage en eux à cause des enfants d'Israël. En ce temps-là l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux tranchants, et circoncis de nouveau pour une seconde fois les enfants d'Israël. Et Josué se fit des couteaux tranchants, et circoncis les enfants d'Israël au coteau des prépuces. Or la raison pour laquelle Josué les circoncis, c'est que tout le peuple qui était sorti d'Égypte, tous les mâles, dis-je, hommes de guerre étaient morts au désert en chemin, après être sortis d'Égypte. Et que tout le peuple qui était sorti, avait bien été circoncis, mais il n'avait point circoncis aucun du peuple né dans le désert en chemin, après être sorti d'Égypte. Car les enfants d'Israël avaient marché par le désert 40 ans, jusqu'à ce qu'eût été consumé, tout le peuple des gens de guerre qui étaient sortis d'Égypte, et qui n'avaient point obéi à la voix de l'Éternel, auquel l'Éternel avait juré, qu'il ne leur laisserait point voir le pays, dont l'Éternel avait juré à leur père qu'il nous le donnerait, et qui est un pays découlant de lait et de miel. Et il avait suscité en leur place leurs enfants, lesquels Josué circoncis, parce qu'ils étaient incirconcis, car on ne les avait pas circoncis en chemin. Et quand on eut achevé de circoncire tout le peuple, ils demeurèrent en leur lieu au camp, jusqu'à ce qu'ils fussent guéris. Et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre d'Égypte. Et ce lieu-là a été nommé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Ainsi les enfants d'Israël se campèrent en Gilgal, et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les campagnes de Jéricho. Et dès le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du blé du pays, savoir des pains sans levain et du grain rôti, en ce même jour. Et la manne cessa dès le lendemain, après qu'ils eurent mangé du blé du pays, et les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, mais ils mangèrent du cru de la terre de Canaan cette année-là. Or il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva les yeux, et regarda, et voici, vis-à-vis de lui, se tenait debout un homme qui avait son épée nue en sa main, et Josué alla vers lui, et lui dit, « Es-tu des nôtres, ou de nos ennemis ?» Et il dit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, qui suis venu maintenant. » Et Josué se jeta sur son visage en terre, et se prosterna, et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Délie ton soulier de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, est saint, » et Josué le fit ainsi.